à des bécanes, chromées jusqu'au Delco. On paiera des impôts plus gros que des Havanes quand on aura de l'argent. On aura de l'assurance et de la conversation. T'auras des relations, moi, des amis d'enfance. Quand on aura de l'argent, certes on ne montrera pas tout, mais on en parlera beaucoup. Quand on aura de l'argent, on aura les moyens d'avoir des idées de gauche et les matins d'embauche, on passera mine de rien. Quand on aura de l'argent, je dirais que la liberté, c'est pas toujours très rose. Et comme toutes les bonnes choses, faut pas en abuser. Quand on aura de l'argent, le fric, l'artiche, le flouze, l'oseille, quelle musique douce à mes oreilles. Quand on aura de l'argent, je suis sûr, je dirais aussi des trucs très importants. Que par exemple, que l'argent, y'a pas que ça dans la vie. Quand on aura de l'argent, on suivra des régimes de loin pour pas se faire voir. L'estomac au sautoir, le geste de Kakoshime. Quand on aura de l'argent, on boira de la bière dans les pubs et des Perrier dans les Lions clubs. Quand on aura de l'argent, on aura pour les belles des sentiments très doux et des enfants partout dans les plomberies d'hôtels. Quand on aura de l'argent, on flinguera la mode, les femmes de nos copains, le cœur au méridien, la bouche aux antipodes. Quand on aura de l'argent, on trouvera des compensations aux joies de la multiplication. Quand on aura de l'argent, dès qu'on s'aimera toujours et qu'il n'y aura pas besoin de sortir nos talbins pour se parler d'amour. Quand on aura de l'argent, si un jour on en a, dès qu'on se fait des idées et que rien ne sera changé, on s'aime assez pour ça. Quand on aura de l'argent, et merde pour les opinions, laisse-moi rêver que je deviens con. Mais qu'on a de l'argent, mais qu'on